Pour que les Français travaillent plus longtemps, il est crucial de supprimer les obstacles à l'embauche pour les seniors. C'est un défi important, car malgré la nécessité de repousser l'âge de départ à la retraite, beaucoup de personnes de plus de 50 ans subissent encore une forte discrimination liée à l'âge. Beaucoup de seniors se retrouvent dans une situation difficile. Ils sont trop jeunes pour la retraite, mais trop âgés pour être facilement embauchés. Après un licenciement ou une réorientation de carrière ratée, ils ont du mal à retrouver un emploi à cause de leur âge. Cette situation peut les pousser vers le chômage ou la précarité. Un sondage récent montre que de nombreux préjugés existent sur les travailleurs seniors. On pense souvent qu'ils sont moins adaptables aux nouvelles technologies, plus facilement fatigués ou qu'ils coûtent trop cher. Ces stéréotypes sont si répandus que l'âge est perçu comme la principale source de discrimination en France. Les entreprises, bien qu'elles soient favorables au report de l'âge de la retraite, préfèrent souvent embaucher des jeunes. Les algorithmes de recrutement sont parfois programmés pour privilégier les candidats plus jeunes, filtrant ainsi les seniors dès la première étape. Même après cet obstacle, les services de ressources humaines peuvent aussi avoir des réticences à recruter des personnes plus âgées. Pour résoudre ce problème, il faut corriger les biais dans les algorithmes de recrutement et peut-être même envisager des quotas basés sur l'âge. Les mentalités doivent évoluer, non pas par idéal, mais par nécessité. Dans 10 ans, la majorité de la main-d'œuvre sera constituée par les plus de 45 ans et la pénurie de talents rendra l'expérience des seniors indispensable.